La Constitution, dans son préambule, inclut la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Et la Déclaration des droits de l'homme de 1789, en son article 16, est très claire. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Ce qui revient à dire que le colonel de Gaulle, qui a fait voter son texte, qui a donné donc une constitution, qui a donné naissance à la Ve République, le 4 octobre 1958, a tué sa propre constitution le 22 décembre 1958 en violant la séparation des pouvoirs. La Ve République n'aura duré que 2 mois et 18 jours. Afrique Média, le monde, c'est nous.